Chapitre 13. Madame d'Infraville s'était trouvée si souffrante, si bouleversée, après ces événements de la nuit, que, hors d'état de mettre quelque suite dans ses idées, elle avait prié M. de Lucheval, lorsqu'il l'eut reconduite chez elle, de revenir le soir, vers les 8 heures, afin d'avoir avec lui un sérieux entretien. À 8 heures, M. de Lucheval se rendit chez Valentine, qui demeurait dans un hôtel garni de la Chaussée d'Antin. « Comment vous trouvez-vous ce soir, madame ? » dit-il à la jeune femme avec intérêt. « Mieux, monsieur, beaucoup mieux, et j'ai à vous demander pardon de ma ridicule faiblesse de ce matin. N'était-elle pas concevable, madame, après tant d'événements étranges ?»« Enfin, monsieur, à 7 heures, j'ai toute ma tête, avantage dont je ne jouissais pas ce matin. Aussi ai-je été forcé de vous demander de remettre à ce soir l'entretien si nécessaire que nous devons avoir. » « Me voici, madame, à vos ordres. Permettez-moi, monsieur, quelques questions. Je répondrai ensuite aux vôtres. Vous êtes, m'avez-vous dit, séparé de Florence ? Je l'ignorais complètement. En effet, madame, depuis cette triste soirée où je vous ai rencontré chez ma femme pour la première fois, ni elle ni moi n'avons eu aucune nouvelle de vous. Je vous dirai pourquoi, monsieur. Vous comprendrez, madame, qu'après la terrible scène qui s'était passée entre vous, M. d'Infraville, ma femme et moi, mon irritation était grande. Après votre départ, j'eus une violente explication avec Florence. Elle me déclara qu'elle voulait se séparer de moi, que je vivrais de mon côté, elle du sien. Elle désirait, disait-elle, se retirer auprès de vous et de madame votre mère, supposant qu'il vous serait désormais impossible de vivre avec M. d'Infraville. Vraiment, telles étaient les intentions de Florence ? Oui, madame. Car elle m'a toujours paru ressentir pour vous la plus tendre amitié. Cependant, ainsi que vous le pensez, je repoussais ce projet de séparation comme une folie. Florence m'affirma que, bon gré mal gré, nous serions séparés. Je haussai les épaules, et pourtant cette séparation eut lieu. Une telle opiniâtreté de volonté m'étonne de la part de Florence, et s'accorde peu avec son indolence habituelle. Ah, madame, que vous la connaissez peu et que je la connaissais peu moi-même. Si vous saviez la force d'inertie d'un pareil caractère, dès avant la scène dont je vous parle, nous avions eu de vifs dissentiments. Je vous l'ai dit, j'ai un goût passionné pour les voyages. Le plus doux rêve de ma vie eût été de faire partager ce goût à Florence, car j'étais très amoureux d'elle, et entreprendre d'intéressants voyages avec une femme aimée, c'eût été pour moi le bonheur idéal. Mais Florence, dans son incurable paresse, repoussa toujours mes projets. Sans doute j'eus des torts, je le reconnus, mais il n'était plus temps. Je la traitais trop en enfant, je fis trop le maître, le mari, et quoique l'aimant à l'idolâtrie, je crus de son intérêt et de ma dignité de me montrer sévère, impérieux. Et puis, enfin, que vous dirais-je ? Vif, emporté comme je le suis, son apathie railleuse me mettait hors de moi. Le lendemain du jour où je vous vis chez Florence, elle alla chez vous. On lui dit que vous étiez parti dans la nuit, avec madame votre mère et monsieur d'Infraville. Elle ne put savoir de quel côté vous vous étiez dirigé. Son chagrin fut profond. J'en eus tellement pitié que je reculai de quelque temps un projet de voyage que j'avais arrêté. Plus tard, voulant enfin dominer la résistance de ma femme et lui imposer mes goûts, je lui annonçai ma résolution. Il s'agissait, pour commencer, d'un petit voyage en Suisse, une véritable promenade. Je m'attendais à une vive résistance, il n'en fut rien. Elle consentit. « Vous voulez me faire voyager ?» me dit-elle. « Soit, c'est votre droit, ainsi que vous le prétendez. Essayez-en » ajouta-t-elle de son air nonchalant. « Seulement, je dois vous prévenir qu'avant 8 jours, vous m'aurez ramené à Paris. Et au bout de 8 jours, monsieur, je la ramenai à Paris. » Mais comment a-t-elle pu vous contraindre à ce retour ? Oh ! Dit M. de Lucheval avec amertume, par un moyen bien simple. Nous partons. À la première couchée, je la préviens que nous nous remettrons en route le lendemain à 9 heures, afin de ne pas l'obliger à se lever trop tôt. Eh bien, elle est restée 48 heures au lit, dans une mauvaise chambre d'auberge, sous prétexte qu'elle était très fatiguée, me disant avec un calme indolent qui m'exaspéra. « Vous avez, de par la loi, le droit de me forcer de vous accompagner, Mais la loi ne limite pas, je pense, les heures qu'il m'est permis de passer au lit. Que répondre à cela, madame? Et surtout, que devenir pendant 48 heures dans ce maudit endroit? Vous dire, madame, mon irritation pendant ces 2 mortels jours est impossible. Ne pouvant arracher un mot de ma femme, et réduit à courir cette petite ville dans tous les sens pour me distraire. Cependant, courroucée comme je l'étais, je tins bon. Elle se lassera plus que moi, me dis-je. Elle aime le luxe, le bien-être, toutes ses aises. 2 ou 3 séances pareilles dans de mauvaises auberges auront raison de son entêtement. Je ne sais si vous avez calculé juste, monsieur. Vous allez le voir, madame. Au bout de ces 2 mortels jours, nous repartons, nous arrivons, vers les 3 heures de l'après-midi, un relais situé dans un misérable village. La route était remplie de poussière, Florence avait les cheveux quelque peu poudreux, elle descend de voiture, ordonnant à sa femme de chambre de venir la peigner pour lui ôter cette poussière. On conduit ma femme dans une chambre délabrée. Là, répugnant de se coucher dans un lit sordide, elle se fait apporter un vieux fauteuil, s'y établit, et me déclare que, se trouvant de plus en plus lasse, elle ne bougera pas cette fois de 4 jours. Je crus qu'elle plaisantait, elle parlait sérieusement. Comment, monsieur? Pendant 4 jours? Je ne perdis courage qu'à la fin du 3e, mais il me fut impossible de résister plus longtemps. 3 jours, madame. 3 jours entiers, dans un lieu pareil, cherchant, mais en vain, le moyen de dompter la résistance de ma femme, ne sachant qu'imaginer. Requérir la force, faire enlever Florence et la remettre en voiture, quel scandale! Et il lui fallut sans doute recommencer à chaque relais, la menacer, la supplier. Peine inutile. Que vous dirais-je, madame? Le 6e jour après notre départ, nous rentrions à Paris. Peu de temps après notre arrivée, j'appris une déplorable nouvelle. Toute la fortune de ma femme était restée placée chez son tuteur, banquier très connu. Il avait fait faillite, pris la fuite. Florence se trouvait complètement ruinée. J'eus un moment de joie. Ma femme, désormais sans fortune, se trouvant pour ainsi dire à ma discrétion, se montrerait peut-être plus traitable. « Je connais Florence, monsieur, et si je ne me trompe, votre espoir a dû être trompé. » « Il n'est que trop vrai, madame. » Florence, en apprenant la perte de sa fortune, loin de manifester aucun regret, parut fort satisfaite. Ses premiers mots furent ceux-ci. « J'espère maintenant, monsieur, que vous ne vous opposerez plus à notre séparation. »« Plus que jamais, lui dis-je, car j'ai pitié de vous, et je ne veux pas vous exposer à la misère. »« Monsieur, reprit-elle, avant la perte de mes biens, j'aurais peut-être hésité à me séparer de vous, » car je n'ai plus l'espoir de retrouver Valentine, et je ne demandais qu'à vivre en repos, à ma guise. Je vous aurais posé certaines conditions, mais à présent, chaque jour, chaque heure, que je passerai dans cette maison, serait pour moi une humiliation et un supplice. Ce supplice, je ne veux pas l'endurer. Consentez donc à me rendre ma liberté et à reprendre la vôtre. « Mais malheureux enfant, lui dis-je, comment vivrez-vous, habitué que vous êtes au luxe, à la paresse ? « Je vous ai demandé, en me mariant, 10 000 francs en or sur ma dot, » me répondit-elle. « Il me reste une partie de cette somme, cela me suffira. Mais cet argent, une fois dépensé, quelles seront vos ressources ? Peu vous importe, » me répondit-elle. « Cela m'importe tellement que je vous sauverai malgré vous, et quoi que vous fassiez, je ne me séparerai pas de vous. « Écoutez, monsieur, » me dit-elle d'un ton pénétré, « votre intention... « Généreuse, je vous en remercie. Vous avez des qualités, vous êtes l'homme le plus honorable du monde, mais nos caractères, nos penchants, sont et seront toujours en un tel désaccord que la vie commune deviendrait pour nous intolérable. De plus, et c'est cela surtout qui me décide, je serai à votre charge, puisque je suis ruiné. Or, sachez-le bien, il n'est pas de puissance humaine capable de me forcer de vivre avec vous dans une condition pareille. Je vous en supplie donc, monsieur de Luceval, séparons-nous à l'amiable, et je conserverai de vous un bon souvenir. » Ah, je la reconnais là. Il n'y a pas de délicatesse plus ombrageuse que la sienne. Ce refus, si pénible qu'il fût pour vous, monsieur, sortait du moins d'un noble cœur. Je pensais comme vous, madame, et bien plus, ce qu'il y avait de généreux dans la résolution de Florence. la fermeté de son caractère dans cette circonstance, sa courageuse résignation à un coup imprévu, tout vint augmenter encore l'amour que, malgré moi, je ressentais toujours pour elle. Aussi, dans l'espoir que la réflexion et la crainte d'une vie misérable la ramèneraient à moi, je repoussais plus énergiquement que jamais toute idée de séparation, promettant même à Florence de tâcher de modeler mes goûts sur les siens. « Cette contrainte, me dit-elle, vous donnerait un vice que vous n'avez pas, l'hypocrisie. Vous avez votre tempérament, j'ai le mien, il n'y a rien à faire à cela. Toutes les résolutions, tous les raisonnements du monde n'empêcheront jamais, n'est-ce pas, que je sois blonde et que vous soyez brun. Il en sera toujours ainsi, de la disparité de nos caractères. Et puis enfin et surtout, je ne veux pas être à votre charge. C'est tout au plus, si j'y consentirais, vous aimant d'amour. Or, vous le savez, il n'en est rien. Une dernière fois, je vous en supplie, séparons-nous en amis. » Je refusais. Et pourtant, cette séparation eut lieu, madame. Florence m'y a forcé. Et par quel moyen? Oh, par un moyen bien simple et parfaitement digne de son indolence. Imaginez-vous, madame, que pendant 3 mois, elle ne m'a pas une fois adressé la parole. Elle n'a pas répondu à une seule de mes questions. Pendant ces 3 mois, enfin, son regard ne s'est pas arrêté une seule fois sur moi. Sa ténacité a pu aller jusque-là? Oui, madame. Et il vous serait, voyez-vous, impossible de vous figurer ce que j'ai souffert. Les accès de colère, de fureur, de désespoir où me jetait ce mutisme obstiné. Figurez-vous un homme assez insensé pour s'opiniâtrer à vouloir faire parler une statue et à solliciter d'elle un regard. Prières, larmes, offres, menaces, tout fut vain pour lui arracher une seule parole. Rien, jamais rien que l'immobilité, le silence et un dédaigneux sourire. Ah, bien des fois, madame, j'ai senti mon cerveau s'ébranler, mon esprit s'égarer après des heures entières passées au pied de cette implacable créature ou dans les emportements d'une rage folle, pendant que ses traits conservaient leur impassible insouciance. Ah, je le comprends, monsieur, tout se brise devant une telle force d'inertie. Que vous dirais-je, madame? Peu à peu, ma santé s'altéra gravement. Épuisée par une fièvre lente, ma volonté perdit son énergie et, convaincu d'ailleurs de l'inutilité de ma persistance, je cédai. Mon Dieu, que vous avez dû souffrir! Mais lutter plus longtemps eût été inutile. Aussi me résignai-je. Et voulant autant que possible atténuer l'éclat de cette séparation, je consultai les gens de loi. Ils m'apprirent que l'une des causes qui pouvait amener une séparation de corps était le refus formel que fait la femme de réintégrer le domicile conjugal. Ce moyen, joint surtout à l'incompatibilité absolue d'humeur, malheureusement trop prouvée par le silence obstiné que Florence avait gardé durant 3 mois, et par les scènes qui s'étaient passées dans les auberges lors de mon essai de voyage, ce moyen parut suffisant. Il fut convenu que ma femme sortirait un jour de chez moi et irait s'établir dans un hôtel garni. Je fis alors à Florence les sommations légales, son avoué y répondit, la séparation fut plaidée et prononcée. Ma santé avait été rudement atteinte. Les médecins ne virent de salut pour moi que dans un long voyage. Avant mon départ, je remis 100 000 francs à mon notaire, le chargeant de les faire accepter à ma femme. En cas de refus de sa part, il devait lui faire savoir qu'il les tiendrait toujours à sa disposition, et à 7 heures, il a encore cette somme entre les mains. Je partis, j'espérais trouver l'oubli dans les voyages. Loin de là, plus que jamais, je sentis combien la présence de Florence me manquait. Je parcourus l'Égypte, la Turquie d'Europe et d'Asie. Je revins par les provinces illyriennes et m'embarquai ensuite à Venise pour Cadix. De là, je partis pour le Chili, où je vous rencontrai, madame. Après une excursion dans les Indes occidentales, je fis voile pour le Havre, où j'ai débarqué il y a peu de jours. En arrivant ici, ma première démarche a été de m'enquérir de Florence. Après d'assez nombreuses recherches, j'ai appris qu'elle demeurait rue de Vaugirard. Hier, lorsque nous nous sommes reconnus, madame, je venais de prendre quelques renseignements sur elle, en faisant causer une personne qui habite la même maison qu'elle. Et qu'avez-vous appris, monsieur? Sa position de fortune est sans doute bien modeste, car elle loge au quatrième étage et n'a personne pour la servir. Du reste, sa conduite est, dit-on, irréprochable. Elle ne reçoit personne. Seulement, par une bizarrerie qui me paraît doublement inexplicable quand je songe à ses anciennes habitudes de bien-être et de paresse, Florence sort tous les jours de chez elle avant 4 heures du matin et ne rentre qu'après minuit. « Comme Michel !» s'écria Valentine, sans pouvoir cacher sa surprise et son inquiétude croissante. « Cela est étrange. Que dites-vous, madame ?»« Hier aussi, monsieur, j'avais appris que M. Michel Renaud, votre cousin, demeurait numéro 57 au quatrième étage, que, comme Florence, il ne rentrait jamais qu'après minuit, et qu'il sortait chaque matin avant 4 heures. Impossible de tirer du portier d'autres éclaircissements. « Que signifie cela ?» s'écria M. de Luceval. « Michel et ma femme, demeurant au même étage, dans deux maisons mitoyennes, sortant et rentrant aux mêmes heures, quel mystère !»« Florence connaît donc Michel ?» demanda vivement Valentine. « Monsieur Renaud est mon cousin, et maintenant je me rappelle que peu de temps après votre départ de Paris, madame, il est venu me voir et m'a prié de le présenter à ma femme, qui l'a reçu plusieurs fois. Mais vous-même, madame, vous connaissez donc aussi M. Michel Renaud, puisque vous aviez intérêt à le suivre cette nuit. » Tout à l'heure, monsieur, je vous dirai tout, reprit Valentine en rougissant, car autant que vous, j'ai intérêt à pénétrer le mystère de certains rapprochements entre la vie de Florence et celle de Michel. Ah, madame, s'écria M. de Luceval avec une sombre amertume. Il faut vous l'avouer, plus d'une fois durant mes longs voyages, j'ai ressenti les tortures de la jalousie en pensant que Florence, désormais libre, puis tressaillant, il s'interrompit et reprit bientôt d'une voix sourdement courroucée. Libre ? Oh non, malgré notre séparation, la loi me réserve du moins le droit de me venger, si la femme qui porte encore mon nom était coupable, et cet homme, oh, si j'avais la certitude, je le provoquerais, et lui ou moi, de grâce. Calmez-vous, monsieur, dit madame d'Infreville. Si bizarre que doivent paraître certains rapprochements, rien jusqu'ici n'accuse Florence. Ce matin, elle est sortie de chez elle ainsi que Michel, et quoique la nuit fût sombre et la rue déserte, ils ne se sont pas adressés une parole et se sont toujours tenus éloignés l'un de l'autre, car ce n'est que longtemps après avoir commencé de suivre Michel que je me suis aperçu qu'une femme marchait parallèlement à lui de l'autre côté de la rue. Et, madame, cette affectation même n'est-elle pas significative? Ils sortent et rentrent aux mêmes heures. Leur logis n'est séparé que par un mur mitoyen où se trouve peut-être une communication secrète. Puis tout le temps qu'ils sont hors de chez eux, que font-ils? Où vont-ils? Sans doute ils se réunissent, mais où cela? Oh, ce mystère, nous le pénétrerons, il le faut. J'ai à cela autant d'intérêt que vous, monsieur. Et pour vous le faire comprendre, je vais en peu de mots vous dire quelle a été ma vie, ma triste vie, depuis le jour où vous m'avez vu chez vous écrasé de honte, sous les justes reproches de M. d'Infreville.